décalé. Non, mais après tout le monde joue décalé. Pourquoi j'ai joué des riffs longtemps? C'est en mari décalé tout. Pas que te téléphone. Décroche, si comme au téléphone, toi, gogo, depuis tout à l'heure, là, sont la marée floue. Ça va être comme ce qu'ils ont entendu. En connexion Ethernet, ça va plus. Hey, gogo, booste de qui? On peut mettre comment dire téléphone, l'eau, la zone, pendant que j'ai fait la musique, pas plein de qui. Bon, Mabs, tu vas bah, sans décaler là, on va jouer un coup, une boucle, et on a fait une nouvelle petite balance là, donc regarde, t'as même commencé. Ouais. C'est bon là, le son est bon, là, là, vous avez remis le son, c'est pisseau là. Merci qui m'a fait. Yavin te demande c'est qui Dutty Dit. Yavin te demande c'est qui? C'est une petite qui connecte l'eau. Dutty Deeds. Pour jouer. Parce que c'est un jamming session comme si. Mais. Et normalement, tout ce qu'on dit, l'entend. Tout le monde entend ce qu'on dit. C'est ceux qui se connectent sur notre réseau, donc pour moi tout. Et attends, je suis reçu. Allez, mais nous jouons une carte, c'est qui? Thank you. La marée longue, je suis un moyen car qu'il est qui vous met dans un casse-tout après. Donc, Madine Zawali, allez. Mabloud. Mabs. Mabloud. Qui nous a fait pour qu'on arrive ici? Nous diminuons, nous passons le 8, nous passons loin de vote. Ça veut dire, là nous l'eau 16, 16 ans, nous sommes diminués. On peut pas être en 4? J'ai pas essayé son pression. Vote espace BBI espace 8 enter. Tape ça sur le clavier. Jackie web show. Thanks bro. Attends, quand c'est commencé, un jeu passe. Qu'est-ce que je dois faire? Thank you. Thank you. Je sais même plus comment il faut compter en fait. Il faut que je compte 16 temps et puis j'imagine que tu joues, c'est ça? Le métronome ne joue pas là? Non, mais c'est 8. 8. Je vais commencer à compter sur 1. Ok? Quand ça commence sur 1, tu vas me dire dès que tu as le 8, tu envoies une réponse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. Ouais, donc c'est 16. On essaie de diminuer le BPI en peut-être 4. On voit si ça tient. J'espère que ça va tenir. On va checker. Il y avait une demande comment on fait ça. Peut-être branche-toi sur Skype, un coup on fait la manip en... Sur l'écran devant toi, c'est écrit dans le logiciel. Je suis en train de typer des textes. La fenêtre où c'est écrit Rea Ninjam. Il faut cliquer dessus et tu vas voir en bas, il y a plein de textes en fait. Je vous ai écrit depuis tout à l'heure, vous ne le lisez pas en fait. Et puis, programmation, vote, BPI, faux. Tu tapes la même chose sur le clavier et tu fais Enter dans la zone de texte en bas. Voilà. est passé à 4 là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ouais, Pichot, c'est 4, ça va. Thank you. Il fait genre Salmon Gook. Enfin, Pleasure Little Treasure en gâteau.